gens vrais. Big up aux gens qu'on vole. Big up, big up. Big up. Je te fais un big up. Big up. Un peu de chaleur au milieu d'hiver, non. Je te fais un big up. Big up. Accroche à ce qu'on big up. Je te fais un big up. Big up. Un peu de chaleur au milieu d'hiver, non. Big up. Big up. Big up. Big up. Pas cet animal en cage, match amical, les amis tac, l'ami je manie l'avantage. L'avantage. Les gars font tâche, mais dans les poches, mon billet jette l'éponge. A mon étage, certains s'écrasent, du coup ça pète les plonges. Fais ma route, slalom, zelem alekoum, shalom. Prépare à des coups de salope, t'as compris du coup, j'galope. De l'écriture sur ma ligne, chute, future manie, vu, le plus dur arrive, but. Mes défauts pour être fort, un peu comme Mastermind. On sait ce qu'il faut, on fait l'effort, un peu comme Walter White. Tu vends du rêve, on en veut pas, je prends pas commande. Tu penses régner, c'est pas le cas, François Hollande. Tu tends l'oreille, t'entends ce rap, ce mal au ventre. Un, parti d'en bas, après on se voit au centre. Je suis pas de ses frères infréquentables, y'a que du vrai quand je tape. Si t'es des vrais refrains, je t'envoie l'offrande. Je te fais un big up, big up. Un peu de chaleur, un peu d'hiver, non. Je te fais un big up. Big up, accroche à ce qu'on big up, considère-moi. Te fais un big up, big up. Un peu de chaleur, big up, un peu de l'hiver, non. Big up, big up, crache pas, big up, big up. Je veux pas taffer pour un salaire de merde. Alors je me bouge, m'en fous de taffer, putain ça a l'air de le faire. Mais ça va vite, speed, guide et dans une fast life. Faut que je fasse my, tu peux me classer dans ce qui galère de même. Autodidacte, je suis pas de ces potes au poly, polygame. Autre produit promis, je taffe en début comme en fin de semaine. Je traîne sur la scène comme dans les rues de ma vie, scrute la ville. Je veux pas me noyer, mais quand c'est rude, je navigue parmi les vagues. Les amis, les femmes et les années qui passent. Loin des ennemis qui parlent de mon sale équipage. Bien, respect à toi, ton attitude pudique. Comme d'habitude, tu dis qu'en altitude, tu risques. Les faits réels quand la lumière s'éteint. J'étais que l'élève quand la pulvère, c'est dingue. J'sais pas si je cause au bon endroit. Quand je me pose à Pôle emploi, ils cherchent un solide qui déboîte, pas un homme l'épaule en bois. Je te fais un big up, big up. Un peu de chaleur, un peu d'hiver, non. Je te fais un big up, big up. Accroche à ce qu'on big up, considère-moi. Je te fais un big up, big up. Un peu de chaleur, un peu d'hiver, non. Big up, big up, crache pas, big up, big up. J'ai malgré l'effort comme Kalash et Danny Dan d'ailleurs. Inconnu après la mort comme la vie de cascadeur. Mais ça va vite comme un DJ qui déplace fader. Place à la zig, pas de Kalash ni de kamikaze ta gueule. On fait le plein, on vide les bouteilles pleines. Nous-mêmes, on fait le pain depuis les Wu-Tang Clan. Et si les cousins se plaignent, on est prêt à ster. J'suis pas Fred Astaire, quand j'en roule un j'peigne. Chez mon pote, on sait la cannabis que j'fume un solo dans mon crâne, ça disque. Stick de mango, je me paralyse seul. J'allume la sonne, j'suis dans le paradis seul. Dans la zig, t'as vu le poids que le couplet porte. C'est un fragile comme le toit d'un coupé sport. C'est mon avis, j'ai pas la voix qui ouvre les portes. Mais mon ami, on y croit, on ouvre le score.